Madame, monsieur, bonjour. Pas de playlist ni d'épisode pour cette vidéo. Elle est d'un genre nouveau sur cette chaîne. En effet, nous recevons régulièrement des questions relatives aux sujets que nous traitons dans nos vidéos, ou bien aux thèmes si importants, ou bien encore sur l'un des blogs et forums que nous animons. Nous avons ainsi décidé qu'une fois par mois, nous répondrions à deux ou trois questions que vous posez, que vous nous posez par une vidéo, c'est original, afin de faire profiter le plus grand nombre de ces échanges. En avant pour ce premier numéro mensuel de questions et réponses. Première question. Dois-je acheter la norme ISO 9001 version 2015 pour être certifié? Question posée par Michel M et question que nous avons régulièrement. Elle peut concerner l'ensemble des normes de certification et d'accréditation. La réponse est non, mais c'est mieux. En tout cas, pour les normes basiques telles que l'ISO 9001, l'ISO 14001 par exemple. Pourquoi non? Parce que vous pourriez avoir d'autres sources d'informations ou une formation bien faite vous permettant d'identifier l'ensemble des exigences, à un accompagnement doublé d'un audit réalisé par des auditeurs externes vous assurant de passer en revue l'ensemble des exigences. Le recours à des intervenants disposant déjà de cette maîtrise sans qu'il ne soit nécessaire de détenir le référentiel. Pourquoi cependant il serait bon de disposer de la norme? En premier lieu, il semble logique de disposer du texte original décrivant les exigences selon lesquelles vous bâtissez et entretenez un système de management. Comme un responsable de ressources humaines détient souvent un exemplaire du code du travail afin de s'y référer à toutes fins utiles, comme il vous a été nécessaire de disposer un jour d'un livre de mathématiques ou de géographie comme point de repère, le texte de la norme est également ce même repère. Ensuite, en cas de doute, il est toujours bon de disposer du texte original de la norme. Certes, Internet regorge de descriptions et d'analyses des exigences de la plupart des référentiels. Mais il s'y niche également bon nombre d'âneries que la lecture de la norme originale permet de calmer. Et puis les normes se vendent, s'achètent. On pourrait débattre de leur prix ou de leur facilité d'accès, mais il faut bien reconnaître que cela alimente aussi des ressources et organismes qui permettent de les faire vivre et de les gérer, ces normes. Par analogie, c'est bien d'acheter parfois une musique ou un CD. Cela confère les ressources aux artistes de nous proposer autre chose que pas mal d'âneries musicales cette fois-ci. Il serait étonnant au coût de déploiement et au retour sur investissement du déploiement d'un système de management que le prix d'acquisition d'une norme puisse être un frein. Et pour les normes plus spécifiques? Là, il est plus question de prudence. Certaines normes étant, reprenant ainsi l'expression de l'un de mes collègues, touffues et ardues, il est nécessaire de la voir afin de la décortiquer comme il se doit et de s'assurer de pouvoir y retrouver ou pas ses petits. Nous plongeons régulièrement dans l'ISO 17025 par exemple. Il semble aussi illusoire qu'inutile de la connaître par cœur, mais primordial de pouvoir s'y référer régulièrement tant elle peut s'avérer complexe et pleine d'interactions. Le conseil du jour à retenir de notre part, n'économisez pas l'achat de la ou des normes pour lesquelles vous souhaitez être certifié ou accrédité. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un système de management intégré? Question posée par Daya B. Un système de management, vous l'avez certainement vu au travers de nos vidéos et de nos explications, est un ensemble de pratiques, de dispositions, de supports, d'analyses et d'actions permettant d'assurer une maîtrise. Cette maîtrise est notamment apportée par la conformité aux exigences à une norme. L'ISO 9001, par exemple, permet de maîtriser la qualité des prestations. Je résume simplement. L'ISO 14001 assure la maîtrise de l'environnement, l'ISO 45001 apporte la maîtrise de la sécurité des personnes. Je vous renvoie à notre série récente de normes en 3 minutes pour d'autres exemples. Toutes ces normes préconisent des logiques, des principes analogues, pas des contenus ou des buts forcément identiques, mais des principes communs. Parmi ces principes, on peut citer celui de définir une politique, identifier et mesurer les objectifs, déployer des audits internes, réaliser des revues directions. Je m'arrête là, ils sont nombreux. Un système de management intégré est un système de management répondant à plusieurs référentiels en même temps. Les entreprises certifiées ISO 9001 et ISO 14001 par exemple, plutôt que de gérer les dispositions en double, peuvent donc mutualiser dans leur système de management plusieurs éléments. Pour reprendre les exemples cités précédemment, une politique peut être qualité et environnementale. Des objectifs peuvent répondre à ces deux thématiques. Les audits internes peuvent assurer de vérifier la conformité et l'efficacité des dispositions et qualité et environnementale. Pour terminer, une revue de direction peut être qualité et environnement. Les combinaisons sont quasiment sans limite. L'intérêt de cela est de gagner en cohérence dans la description du système de management, de gagner en temps et en logique dans la mutualisation de supports, un plan d'action par exemple, et donc de gagner en ressources nécessaires pour le fonctionnement et l'entretien du système. Souvent, cela diminue également les coûts d'audit de certification si vous allez jusqu'à la certification. Voilà pour ce premier numéro des questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions à l'adresse suivante, contact@thomasia.com. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle série de réponses, d'éclairages, et vous retrouverez Judith dans quelques jours pour une présentation de cette HLS dont nous parlons depuis quelques mois déjà. À très bientôt.